n'aurai pas son nom, encore moins son prénom. Je dirai pas où elle crèche, je peux vous parler de son derche. Oh, qui c'est qui a dit ça? Elle m'a tellement pourri qu'aujourd'hui je lui écris cette chanson anonyme, bien construite, tout en rime. Elle pense que je suis au mort, que je fume le bédo. Elle pense que je suis au mort, que j'en fais un peu trop. Trop, trop, trop. Tiens, il y a de l'écho. Sous le régime nazi, je n'aurais jamais vieilli, car pour cette voisine, j'enfreins les lois divines. Oh là là, crois-tu? Elle connaît bien la vie, sur les autres elle médit. Pourtant faut pas qu'elle se plaigne, je lui ai jamais dit baigne. Elle me voudrait son Pierrot, parce que je suis mort. Surtout ne la détrompez pas, ça m'arrange qu'elle le croit. Croit, croit, croit, croit, croit. Tiens, un corbeau. Elle ressemble à une poire, elle n'arrête pas de boire, le cul dans sa mini-jupe. Elle a l'allure d'une... péripapéticienne. Ou au moins je vous aime. Je suis aux portes de l'enfer, rien qu'à l'idée de la faire. À propos du bédo, ce n'est peut-être pas faux. Dans la vraie vie tout se mêle, en tout cas plus. Elle a bien mûri, elle. Elle a mûri, elle. Elle a mûri, elle. Elle a mûri, elle. Elle pense que je suis au mort, que je fume le bédo. Elle pense que je suis au mort.